tous ceux qui ont deux enfants et donc 84 repas à préparer par semaine. Et à ceux qui pensent que les mois ne devraient faire que 25 jours, parce qu'on se passerait bien des fins de mois, non? En ce moment, Intermarché continue de bloquer le prix des fruits et légumes de saison, comme la barquette d'un kilo de kiwi vert origine France à seulement 2,49€. Soutenir votre pouvoir d'achat, c'est aussi ça être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 février, variété Hayward, calibre 65-70, catégorie 1, modalité sur intermarché.com. Le hussard sur le toit, de Jean Giono. Quinzième et dernier épisode. Après avoir été hébergé par un vieux médecin misanthrope, Angelo et Pauline entament leur dernière étape, celle qui les conduira au château de Théus. Vous êtes à 10 lieues de Gap et vous ne pouvez pas vous tromper. Prenez ici à droite. Quand vous aurez atteint le rebord du plateau, vous apercevrez à 100 mètres sous votre nez la grande route. La diligence y passait encore il y a 2 jours et il n'y a de barrière nulle part. Ou si vous avez des sous, poussez jusqu'au petit hameau qu'on voit dans les châtaigniers. Il y a 1 mètre de poste. Il faisait tiède. C'était une de ces journées d'automne qui ont des airs de printemps. Une odeur de champignons extrêmement suave fumait du pied des genévriers et des buis. Un vent léger bariolé de froid donnait à l'air une vigueur et une vertu sans égale. Même après plusieurs lieues, toute trace de vie humaine ayant disparu, et en train de traverser une petite forêt de pins sylvestres très rabougris, la lumière, l'air, les parfums de la terre continuèrent à maintenir les deux voyageurs en allégresse. Pour la première fois, ils goûtaient au plaisir du voyage. Nous allons bientôt arriver. Il me faudra encore au moins 2 jours avant d'être de l'autre côté de ces montagnes. 2 jours que vous pourriez passer à Théus ? Il faut que je vous remercie de votre aide. Et vous ne m'avez jamais vue en robe longue, sauf ce soir de Manosque, où j'avais fait toilette pour toute autre chose que pour vous. Je resterai le temps d'acheter un cheval. Vous ne voyez pas un manque de courtoisie ou de l'indifférence, mais je ne suis pas seul en cause. Vous voulez vraiment sacrifier votre vie au bonheur de l'humanité? Je veux combattre pour la liberté. C'est une noble cause. Tant pis. Vous ne connaîtrez pas ma belle-sœur, qui est une vieille dame, très excentrique et fort bonne. Jadis torturée par un mari charmant. Ni le château de Théus, devant son décor de montagne extravagant. Mais vous pourrez trouver des chevaux convenables à Rémolon, qui est un petit pays, tout près de là. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Pardonnez-moi, je serai certainement le premier à solliciter l'hospitalité de Madame de Théus. Mais c'est aussi mon nom. Eh bien... je solliciterai l'hospitalité des 2 mesdames de Théus. Et je demanderai en grâce à la plus jeune de bien vouloir paraître en robe longue et dans tous ses atours. Je vous en remercie. Ils firent halte à midi dans la solitude ensoleillée. Ils préparèrent du thé et se reposèrent environ 1 heure. Ils étaient assis au pied d'un pin sur un tertre d'aiguilles souples et tièdes, devant le spectacle miraculeux du plateau baigné de lumière que les vaporeuses montagnes semblaient contenir comme une liqueur d'or au fond d'un bol bleu. Oh. Je crois que j'ai dormi. Je regrette de vous avoir réveillé. Mais il faut être avant la nuit à cette fameuse grande route. Nous irons chez le maître de poste et vous coucherez dans un lit. Allons. C'est le dernier effort. Ah. Vous voulez monter sur le mulet? Non, non, je peux marcher. Mais comme j'ai sommeil. Nous voici au rebord du plateau, tel que l'a décrit le médecin. La grande route est en bas. La nuit va tomber. Ah, voilà le petit bois de peuplier avec son bouquet de maison. Et le maître de poste. Pauline, Pauline, qu'avez-vous? Comme il se précipitait à ses côtés, elle ouvrit les yeux et fit manifestement effort pour parler. Mais elle dégorgea un flot de matière blanche et grumeleuse, semblable à de la pâté de riz. Comment, vous ne savez pas? Et d'où venez-vous? C'est le choléra morbus, mon vieux. Le plus beau débarquement de choléra asiatique qu'on ait jamais vu. Sans doute. Après coup, une vague solitaire haute de 15 à 20 mètres et courant à la vitesse de 2 nœuds secondes a parcouru l'océan plat comme la main. Avant, après, avril reste en fleurs sur les eaux. Ni grondement, ni écume. Il n'y a pas de brisant, ni d'amer dans ces vastes étendues qui ne s'étonnent de rien. C'est de l'eau qui se déplace dans de l'eau. Et pas de conscience pour s'en apercevoir. Angelo arracha le bas du mulet, étendit son grand manteau sur l'herbe et y allongea la jeune femme. Il essaya de lui faire boire du rhum. La nuque était déjà dure comme du bois et cependant tremblante comme deux coups énormes frappés dans les profondeurs. Angelo écouta ces appels étranges auxquels tout le corps de la jeune femme répondait. Il était vide d'idées. Il eut seulement conscience que le soir tombait et qu'il était seul. C'est l'affaire de 3 secondes. Le dernier a dû se freiner dans un coin innommable. Ils vont se fourrer dans des endroits dont vous n'avez pas idée. Il tira le corps de la jeune femme plus loin de la route, plus avant dans les buissons. Ce pays où la contagion n'avait pas encore fait de victimes serait prêt à tous les débordements de l'égoïsme dès la première. Il tira les bottes de la jeune femme. Les jambes étaient déjà raides, les mollets tremblaient, les muscles faisaient saillie dans la chair. Il remarqua que les lèvres se retroussaient sur les dents et que la jeune femme avait une sorte de rire cruel et même carnassier. Quelquefois, une main s'accroche à un tablier, au revers d'un habit, ou d'un ami, ou d'une amie. Mais toutes les joies sédentaires foutent le camp. La peur donne des ailes et de l'esprit. Le jour noircit. Les joues s'étaient creusées et palpitaient. Angelo se mit à frictionner de toutes ses forces les pieds glacés. Frictionnez-le. Plus fort. N'ayez pas peur de l'écorcher. Ça vous repoussera. Le choléra n'est pas une maladie. C'est un sursaut d'orgueil. Sacré salaud de gosse, avec ses mains dans les poches, il voulait en remontrer à tout le monde, hein? C'est malin. Qu'est-ce qu'il tenait debout? La fierté, hein? Si je pense à tout ça, je suis foutu. Faisons les choses comme il faut. D'abord, allumer du feu et faire chauffer de grosses pierres. Le froid, qui a d'abord été sensible aux pieds, aux genoux et aux mains, tend à envahir tout le corps. Le nez, les pommettes, les oreilles sont glacées, la laine est froide, le pouls est lent, d'une faiblesse extrême. Maintenant, il faut la déshabiller. Il ici une femme courageuse pour venir dégrafer son corsage et son corset. Je n'y entends rien. Non! Non! Je vais mieux mourir. Les cuisses étaient chaudes et douces. Il retira ses mains comme d'une braise et revint aux jambes et aux genoux qui étaient déjà pris par la glace et bleuissaient. Les pieds étaient blancs comme de la neige. Il découvrit le ventre et le regarda avec attention. Il le toucha des deux mains partout. Il était souple et chaud, mais parcouru de tressaillements et de crampes. Il le voyait habité de formes bleuâtres qui nageaient et venaient frapper à la surface de la peau. Angelo ne cessait pas de frictionner. À chaque cri, il sentait le froid reprendre davantage, monter le long de la jambe. Il s'attaqua tout de suite aux cuisses qui se marquaient de taches bleues. Il renouvela la ceinture de pierre brûlante autour du ventre. Il fait nuit noire. Le mulet est parti. Je suis seul. Il y a quelqu'un ! Il y a quelqu'un ! Il faut lui faire boire du rhum par force. Ah, moi, je n'ai pas besoin de me forcer. Ah, j'ai bu moi aussi, au même goulot. Oh bah. Et après, qu'est-ce que ça fiche? Le colérique souffre, mais ce n'est pas dans son orgueil, comme jusqu'ici. C'est enfin dans son amour. Et c'est ce qui pourrait le retenir de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai comme remède? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Une valise pleine de linge de femme. Mon porte-manteau, mon sam, mes pistolets. Oh, si je me servais de la poudre. Mais comment je... Oh, j'aurais pu la mélanger à l'eau de vie et la lui faire boire. Ce n'est pas la première fois que je soigne un colérique. Et j'aurais donné ma vie pour le petit français. Ça ne fait pas de doute. Ici, je suis entrepris. Ce n'est pas la première fois. Mais ils me sont tous morts dans les mains. Pauline semblait s'éloigner. Angelo s'étonnait, s'effrayait même un peu du vide de la nuit. Il se demandait comment il avait pu ne pas avoir peur jusqu'ici et surtout de choses si menaçantes. Enfin, il eut toute une série de petites pensées très colorées, de lumières très vives dont quelques-unes étaient cocasses et risibles. Et à bout de force, il reposa sa joue sur ce ventre qui ne tressaillait plus que faiblement et il s'endormit. Une douleur à l'œil le réveilla. Il vit rouge, ouvrit les yeux. C'était le jour. C'est moi qui t'ai couvert. Tu avais froid. J'ai dormi. Tu étais à bout de force. Et vous? J'ai dormi, moi aussi. Je crois que j'ai dormi. Vous avez été malade. Vous l'êtes encore. Il ne faut pas bouger. Oh, je suis bien content. Couvrez-vous. Il ne faut pas avoir froid. Je suis seulement brisée. Mais toi? Moi, je vais très bien. Il suffit que je voie ce rose qui commence à toucher le bon endroit de vos joues. À cet endroit-là, ça ne signifiera jamais la fièvre. D'ailleurs, laissez-moi prendre votre pouls. Il est régulier maintenant. Je me sens tiède et molle comme un poussin dans un œuf. Tu t'es désinfecté? Oui, ne vous inquiétez pas. Donne-moi la main. Les pierres chaudes ne sont plus nécessaires. Tu as déchiré mes vêtements. Tu as arraché les attaches de mon jupon. Et regarde ce que tu as fait de mon pantalon de dentelle. Comment vais-je m'habiller? Je me sens bien. Il va faire jour et le mulet est parti. Je vais au chemin, à 10 pas d'ici, guetter le passage de quelqu'un. Non, non, non, vous restez allongé. Je l'exige. On va vous transporter en voiture. Nous serons ce soir à Théus. Je suis inquiète pour toi. J'ai eu le choléra, ça ne fait pas de doute. Ce ne sont pas les attaches de mon jupon et de mon pantalon qui m'ont meurtri le ventre comme il est. J'ai dû être horrible. Hein? Et toi, tu n'as pas fait d'imprudence? Si, mais dans ces cas-là, la contagion se manifeste tout de suite. Je suis en avance d'une nuit sur la mort. Et elle ne m'attrapera pas. Une charrette. Attendez! Oh! Il y a une femme là, dans les buissons, qui a été malade. Elle va mieux maintenant. Je vous demande le service. Est-ce que vous pouvez la transporter à la maison du maître de poste? Il y a un maître de poste, n'est-ce pas? On me l'a dit. Je paierai ce qu'il faudra. Une femme, dites-vous? Allons voir. Par ici. Mais c'est Madame la Marquise. Ne t'inquiète pas, tout ira bien maintenant. Qui est cette femme? Une femme de journée de ma belle-sœur. Tu as vu comme elle était fière de donner des ordres? Enfin, vers les 3 heures de l'après-midi, Pauline, couchée dans un grand lit chez le maître de poste, dormait entourée de bouillotte. Comment va-t-elle? Très bien. Ne vous faites pas de soucis. Monsieur le marquis, désire-t-il quelque chose? Non, merci. Bien. Je ne suis pas le marquis. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Laissez-les dire. Vous serez considérés. Et vous devriez prendre un verre de punch. Ça vous ferait du bien. Personne n'a peur ici. Peur? De quoi? Des gens qui sont malades, sans qu'on sache pourquoi. Dame, ici, Ali est Ali, surtout avec une jeune femme dedans. Je voudrais la regarder dormir. Montez, la porte est ouverte. Je ne vois pas la porte du cul. Du vin. Pauline, je sais maintenant que vous n'allez pas mourir. Mais êtes-vous sûre d'oublier ce que vous avez été pendant quelque temps et de croire encore en vous? Les autres n'ont pas cette peine. Qu'est-ce qu'ils étaient avant? Mais vous, je vous vois encore avec votre flambeau dans cette maison déserte, cette ville pourrie. Devant un homme qui devait être assez effrayant, surgissant de l'ombre. Je pense à la vie que j'avais menée sur les toits. Sans doute n'avais-je pas l'œil très tendre. Je me souviens que les flammes de votre chandelier étaient immobiles et raides, comme des pointes de fourche. Et la main qui m'a fait duter ce soir-là savait être secourable, sans trembler. Et votre gros pistolet était caché sous un châle, près du réchaud. Vous me prépariez le thé. Il fallait avoir confiance en soi pour agir de cette façon-là. Celle dont la main ne tremblait pas n'avait jamais été lâche. Sans quoi elle aurait sur le champ inventer une lâcheté. C'était aussi le moment ou jamais. Et les flammes auraient tremblé. Il y a quelqu'un qu'on ne peut jamais tromper. C'est soi-même. Parce qu'on est toujours d'accord avec ses actes. Ce n'est pas rien que de manger au chaudron de la quarantaine, ou simplement faire votre place dans la paille. Vous ne pourrez jamais vous berner et vous raconter des histoires par la suite, en vous disant que vous y étiez contrainte. En tout cas, des êtres comme vous ne le pourront jamais. Et il vous faudra vivre avec l'idée que vous avez cédé parce que vous étiez d'accord pour accepter le chaudron. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais de vous qu'une chose. Dans les occasions exceptionnelles, vous tenez le coup. C'est pourquoi je vous ai parlé devant la barricade. Avec les autres, j'étais seul contre les soldats. Avec vous, je n'étais plus seul. Quand nous avons eu notre première algarade, je pouvais très bien recevoir un coup de pointe par derrière. Les dragons ne plaisantaient pas. Si j'avais pu le craindre, j'aurais été obligé pour y parer de faire volter mon cheval d'une façon qui manque d'élégance. Mais je ne m'en suis pas soucié. Parce que je savais que vous étiez là. Bien que je vous ai crié de fuir et de vous tirer d'affaire. Ça m'a permis le brio qui donne tant de joie. Et naturellement, vous étiez là. Votre petite main braquait le gros pistolet sur le pauvre brigadier. Oui, je sais. Le lendemain, vous avez tiré un corbeau. Parce qu'il roucoulait comme une colombe. Eh bien, n'est-ce pas rien, un corbeau qui roucoule comme une colombe. Il faut toujours tirer sur ces choses-là. J'aurais fait pareil. Et j'aurais eu les yeux aussi gros que les vôtres. La vraie mort est minuscule. Tu es là. Cette fois, je suis sûre que j'ai dormi. Vous êtes guérie. Tu m'accompagneras à Théus ? Je ne vous laisserai certainement pas un mètre avant. J'ai loué la voiture la plus agréable, la plus confortable et la plus rapide que j'ai pu trouver ici. Elle est à nous. Elle nous attend. Je vous conduirai à Théus même. Vous vous appuierez à mon bras pour monter les escaliers, s'il y en a. Et je resterai 2 jours. Souvenez-vous de la robe longue. J'avais peur que tu sois en train d'acheter un cheval. Je t'ai entendu parler longtemps dans l'écurie. Je reconnais très bien le son de ta voix, malgré les murs. Enfin, on mit des attaches neuves aux jupons, à la jupe et même aux petits pantalons brodés. Il avait fallu en outre ravauder à gros points le linon déchiré et troué par les ongles d'Angelo. Il continuait d'avoir des scrupules d'avoir fait coucher une colérique dans un lit d'auberge et, à terme couvert, il en fit part au maître de poste. Oh, vous savez, j'en vois de toutes les couleurs. En fait, c'est une colérique. Mais guéri ! Guéri ! Guéri ! Guéri ! arrivèrent à Théus 2 jours après, sur le soir. Le village dominait la vallée profonde de Tréau. Il était habité par des gens encore plus simples, plus placides et plus rougeaux, des gens auxquels on ne pouvait pas imaginer que la contagion pouvait s'attaquer avec quelque chance de victoire. Le château dominait le village. Il y avait de nombreux escaliers pour passer de terrasse en terrasse, toutes rustiques et sans apprêt, pour tout dire fort sévères et qui plurent beaucoup à Angelo. Il ne se déroba pas à ses promesses, il donna son bras à Pauline. Le marquis n'était pas ici, on n'avait aucune nouvelle. Il ne pensera certainement pas à moi. Il doit être en train de faire le fou quelque part. On dit que la vie est étrange du côté d'en bas. Angelo était enfin dans des murs qui ressemblaient à ceux de la Brenta. Il avait respiré dans les couloirs cette odeur de maison très vaste et très ancienne. Il parla longuement à la vieille marquise comme il l'aurait fait à sa mère, et uniquement de peuple et de liberté. Angelo ! Viens voir ! C'est un maquignon de Rémolon. Je l'ai fait venir. Il te présente des chevaux et tu vas en choisir un qui te plaît. Celui-là. C'est celui que j'aurais choisi. Le plus fin. Chaque soir, Pauline mit une robe longue. Son petit visage, que la maladie avait rendu plus aigu encore, était lisse et pointu comme un fer de lance, et sous la poudre et les fards, légèrement bleuté. Comment me trouves-tu ? Très belle. Le matin du départ, Angelo rendit tout de suite la main au cheval qu'il avait lui-même chaque jour nourri d'avoine. Il pouvait être fier de cette allure. Il voyait venir vers lui au galop les montagnes roses, si proches qu'il distinguait sur leurs flancs la montée des mélèzes et des sapins. L'Italie est là, derrière. Il était au comble du bonheur. Le hussard sur le toit, de Jean Giono. C'était le 15e et dernier épisode, avec Bruno de Volder, Angelo, Maya Simon, Pauline, Marcel Barrault, la paysanne, Guy Moigne, le paysan, Jacques Bérard, le maître de poste, Raymond Vattier, la marquise, avec la voix de Pierre Vanek. Directeur du son, Jean Jusforgue, assisté de Pascal Bénard. Bruitage, Louis Amiel, assisté de Frédéric Antoine. Adaptation et réalisation, Claude Mourté, assisté de Daniel Finot.